Ok Google, quelle est la meilleure émission? C'est Sbazy Radio tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur hashtag. 18h02, on est en retard comme d'habitude, mais bon, ça c'est habituel. Hein. Désolé pour cette erreur. On disait hello tout le monde la semaine dernière. Il n'y avait pas d'émission, mais on est là. On et espère c'est les vacances. Que vous passez de bonnes vacances pour la zone A et B. La zone C, c'est dans 5 jours, 5 heures, 56 minutes et 54 secondes. Ce que c'est pas trop ce que je dis si, là. C'est si, trop hein, totalement. Le décompte. Le programme ce soir, les coups de cœur, coups de gueule de la semaine, évidemment. Enfin, des deux semaines, du coup. Le moment blabla, la minute Ariana, les journées mondiales et le n'oubliez pas les paroles. Yes, et c'est l'avant-dernier de ce mois-ci du coup. Oui, c'est l'avant-dernière fois que vous pouvez avoir des points et la semaine prochaine on fera le décompte, enfin on fera les totos. Ah, quoique. Attends, je te dirai, on verra ça pour la musique, mais je te dirai pourquoi. Peut-être pas la semaine prochaine. Oh. Bon alors. Je suis malade. C'est super, ça commence très bien. Eh ben, les replays, le replay de ce soir, le podcast de ce soir sera évidemment dispo sur Spotify et Google Podcast ce soir, hein, tout simplement. On n'oublie pas les réseaux sociaux, on s'abonne à la page Facebook, c'est écrit en haut, à l'Instagram et au Twitter. Pour et, avoir les news de Sbazy Radio. Oui. Et voilà. Comme ça, vous êtes au courant quand il n'y a pas d'émission. Et je voulais dire un truc aussi. Ah oui, ça va changer de nom, voilà. Donc abonnez-vous maintenant, parce qu'après ce sera plus ce nom sur les réseaux sociaux, tout ça, donc voilà. Mais ça, on en parlera tout à l'heure aux alentours de 18h20. Mmh. Et ben c'est parti, est-ce qu'on commencerait pas avec nos petits coups de cœur, coups de gueule de la semaine? On commence direct. Allez, c'est parti. Nos coups de gueule, moi j'en ai pas cette semaine. Moi j'en ai. Ah, vas-y. Alors, j'ai vu sur Twitter que les pumas, donc vous voyez cet animal d'Afrique de la jungle. Non, pas de la jungle, enfin bref. D'Afrique de la jungle. Mais j'ai pas ça. Je comprends rien. Déjà, c'est... Ah oui, dans les. Attends, tu m'as dit le puma. Ouais. Eh ben, on va regarder. C'est comme les panthères, etc. Ouais, non, mais je vois. Enfin, alors attends, parce que puma, animal, oui, du coup, faut mettre. Animal. Hein. Enfin bref, c'est une espèce éteinte à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus de puma sur Terre et nos enfants ne connaîtront jamais le puma. Enfin, n'en verront jamais, même si moi je l'ai jamais vu. Oui, c'est vrai, c'est une espèce éteinte. Ah ouais, d'accord. C'est choquant. Hein. C'est mon coup de gueule de la semaine. Mais ça commence bien, dis donc. Est-ce que c'est joyeux ce soir? Non, mais c'est mon coup de gueule parce que c'est chaud quand même. Un peu, oui. Oui, c'est carrément chaud, quoi. Donc voilà. Ça vit. Non, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des déserts, mais c'est des. Mais ça vit dans l'Amérique du Nord et du Sud, c'est écrit, mais on est clairement sur Wikipédia. Je pensais que c'était en Afrique que ça vivait, mais en fait pas du tout. Il n'y a pas écrit sur Wikipédia encore, mais c'est peut-être pas celui-là de puma. Là c'est le puma concolore. Mais c'est la même. Vous connaissez en puma, on veut bien de l'aide. Voilà, oui. Bon, du coup, puma. A pu, oui. A pu. C'est triste. T'as pas de coup de cœur, de coup de gueule, toi? Non, tu vois, je. À part que je dois repasser le code, hein, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ah. Voilà, hein. Quand j'écris, ça me met que je suis en mode ralenti, que mon commentaire sera publié. Oui, alors on essaye de régler ça. Enfin, j'essaye de régler ça. Ah ouais, ça l'écrit, ça? Et je sais plus comment. Mais en fait, je sais pas comment on désactive. C'est voilà. Pourquoi t'as activé quoi en fait? Mais non, mais le mode ralenti est activé sur le chat. Problème, c'est mince. Que je n'ai pas voulu déjà l'activer de base et je ne sais pas comment on l'enlève. Donc on va tester. Ouais, hein. Tant pis. Mais bon. Je sais pas du tout comment ça s'enlève. Ça s'enlevait, mais ça s'enlève plus. Donc, ah ouais, mais du coup, pour n'oublier pas les je paroles, sais pas. Ah oui, pour n'oublier pas les paroles, réservez-vous. Ouais. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? On pense à nos petits coups de cœur. À part les vacances, évidemment. Oui. J'ai reçu un mail. J'espère que c'est vrai, qu'ils vont être rapides. C'est qu'il va y avoir la fibre chez nous. Ah ouais? Ouais. Ah, trop cool. Enfin, elle est. Mais dans... la fibre, c'est quoi en fait? Oh! Oui, oh là. Moi, je m'y connais pas du tout en informatique. Oh non. Oh non, non, non, pas ça, Esther. Tu peux pas me dire c'est quoi la fibre? Non, la fibre, c'est Internet en très, très, très rapide. Et, mais c'est plus que la 4G, par exemple. Oui. Ah, c'est la largement 5G. Plus que la 4G qu'on a là. C'est la 5G, genre. Un peu moins que la 5G. La 5G, c'est encore au-dessus, mais c'est entre la 4G et la 5G. Ah ouais, d'accord. Mais c'est par ta box. Voilà. Trop cool. Ah, mais. Et c'est super rapide, du coup, plus besoin de faire un cas avec mon téléphone là-haut, là, pour les émissions. Ah, donc tout c'est ça. Plus rapide que la Wi-Fi. Oula. Je comprends. Bon, si vous connaissez la fibre, sachez que pour l'instant, elle est dans notre ville. Et on va éviter d'essayer d'expliquer à Esther ce que c'est. Non, parce mais quand que sinon... on marchera dehors, on l'aura la fibre. Bon, bah, ça, genre, non. Bon, bah... on va passer. Oui, et vendredi. Non, mais moi je suis meilleure en Ariana, mais pas en fibre. Ouais, bah, j'ai bien remarqué. Bon, bref. Vendredi, il y avait sur TF1, ouais, c'est ça. Sur TF1, il y avait le nouveau truc du Palmacho. Je sais pas si tu connais. Bah, mes parents ils ont vu, mais oui, je connais le Palmacho. Ah, oui, bah, je sais pas. Ah, quand même. Mes parents ils ont connu ça ce week-end. Oui, mes parents aussi ils ont regardé. Ouais. Ah, bah voilà, bah, ça leur a plu, ça a plu à tout le monde, mais voilà. Donc, ouais. Non, mais moi je regardais leurs sketchs. Bah, en fait, ça c'était quoi? C'était un combiné de tous leurs sketchs. Oui, j'avais tout bah, des nouveaux sketchs. Ah, il y avait des nouveaux sketchs. Ouais, ouais. Mais il y avait des anciens, j'ai vu en tout cas. Mais ouais, ça c'était à la fin. Ça c'était dans les années 2014, non? Ouais, c'était vieux. Bah, c'était un mélange des vieux. Fin de... Ouais, ouais. Bah, parce que c'était depuis 2010, je crois, qu'ils font à la télé. Donc ça remontait, quoi. Il y a certains sketchs. Ouais. Mais c'était très sympa, leur nouveau. Voilà. Et quel est ton coup de cœur de cette semaine? Alors, oula. Mon coup de cœur, bah, Ariana Grande a sorti son nouvel album et je le trouve mais trop trop bien, je l'aime trop. Et du coup, bah, c'est mon coup de cœur de la semaine et je vais en parler un peu dans la minute Ariana, des records et tout qu'il a un battu. Un petit peu, beaucoup même. Voilà, et ça c'est une de mes chansons préférées de l'album, c'est NASA qui est en arrière-plan. Et voilà, bref. En arrière-plan, carrément. Non, mais en arrière-son, je sais pas comment on dit. Toujours mieux, en arrière-son. Bref, j'invente des mots. Je te dirai quand il faudra monter, quand ce sera là au fond. Oui, ça va. Mais il faudrait que tu l'écoutes, Hugo, et que tu me dises c'est quoi ta préférée. Je suis sûre que t'aimerais bien en plus. Faut que j'écoute tout l'album. Mais oui, ça va, il y a 12 chansons, ça dure 40 minutes, et puis il y en a deux mourir. Qu'on a déjà entendues. Je vais décéder. Mais non. Je rigole. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, évidemment, hein. Jusqu'à 19h. C'est NASA, ça, comme ouais, la chanson. Est à fond. J'aime trop. Donc bah, voilà quoi. Et du coup bah, je vais la voir à sa tournée. Bon, ça on le sait depuis longtemps, mais voilà, j'ai trop hâte du coup. Alors Sandrine qui nous dit, j'ai des commentaires qui sont en gris, je pense qu'ils sont pas pub. Bah, je sais pas, ça dépend lesquels, mais certains qui ont pas dû marcher. Pardon. J'écoute, tu rigolais, mais en fait non. Tu éternues. Elle arrive, mais ça veut pas dire qu'on l'aura à la maison. Bah si, mais dans longtemps. Elle vit dans une grotte, notre Esther. Oui. Oui, carrément. Ouais, oui, bah écoutez, hein, moi c'est pareil, vous parlez d'Ariana. Enfin, si, quand même, je connais un petit peu. Mais. Ariana a perdu 2 millions de followers, mais en fait, il y a plein de comptes Insta qui ont perdu des millions de followers dû à un bug. Mais rassurez-vous, monsieur Blagapapa, elle les a repris. Elle a 145 millions de followers sur Insta. Et, 145 oui. millions, enfin, pour nous faire je une petite pub. Enfin, je parlais un peu des followers, etc. dans la minute Ariana, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Don't worry. Be happy. C'était je la blague de Mrs. O, qu'elle nous chantait ça. Oui, oui, je me souviens. Ah là, passons. Bon, alors attention. C'est fini les coups de cœur et les coups de cœur. À ça, notre petit moment blabla. Petit moment blabla qui change d'endroit. Enfin, de moment. Enfin, non, ça, ça oui, veut non, rien mais dire. Mais qui change de moment dans l'émission et on est déjà en retard. Bref, comme c'est les vacances pour nous, bah, pourquoi pas parler un peu de ce qu'on a fait pendant cette petite semaine de vacances. Hein. Ouais, ouais. Dites-nous ce que vous avez fait pendant cette semaine. Enfin, alors, il y en a qui sont pas en vacances, hein, je sais. Donc, bah, dites-nous ce que si vous avez fait. En cours ou pas. Ce que vous avez fait ce week-end aussi, puisqu'on est dimanche soir déjà. Il y en a qui reprennent demain. Ouais. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu au live, je le dis comme ça, d'accord, alors qu'il n'y a aucun rap. Ouais, si tu veux, bah, fais-toi plaisir. Bon. Donc voilà, bah, nous, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Tu commences, je commence, honneur aux femmes, bah, donc tu commences. Ah, ok, je commence. Donc bah, cette semaine, je suis allée chez ma famille vers Grenoble, et voilà, et après, bah, je suis rentrée chez moi. Je suis clairement en train de décéder. J'espère que vous n'entendez pas, mais je suis vraiment en train de décéder à côté. Donc à Grenoble. Voilà, et après bah, je suis rentrée chez moi et bah, voilà, j'ai rien fait d'ici là. Ouais, t'as rien fait. Voilà, si, le code. Oui, bah mais c'est pas un truc de fou, j'y vais ouais, bah, tous les oui. jours. Oui, bah écoute. Ouais, bah en fait, je passe mon code mercredi, donc dites-moi merde ou souhaitez-moi bonne chance, je sais pas ouais, ce qu'il voilà. faut faire. Souhaitez donc, tout, c'est, voilà, souhaitez ouais. qu'elle réussisse pas. Non, je rigole, c'est méchant. Mais en tout cas, j'espère l'avoir, mais je pense que je l'aurai, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, j'ai envie de tester un truc. comme on doit y aller tous les deux. Ouais, je sais pas, j'avais trouvé cette musique, je me suis dit c'est sympa, c'est marrant. Allez, vas-y. Comme on doit y retourner, enfin moi je dois y retourner pour le rendez-vous des 1000 km parce que je l'ai déjà. Oui. On va faire celui qui fait le moins de fautes. Ah, à la prochaine tu veux heure. Vraiment me défier. Moi qui ouais. Bon la, alors déjà c'est mal parti parce que déjà la semaine dernière j'ai fait 11 fautes, t'en as fait je sais plus, t'en as fait combien? Je sais plus 6 ou 7 ou 5. Ah bah ouais, ouais voilà. Enfin, j'en t'en avais fait beaucoup moins que moi. Oui. Il me semble que t'en avais fait 6. Ouais peut-être. Ouais 6, bon bref. Donc mon défi c'est demain ou après-demain, je sais pas, de faire moins de fautes que, bah, que Esther au code, sachant que je l'ai déjà. Mais je suis sûr, il va en faire plus. Ouais, on vous donnera les résultats. Parce de façon, que moi, ça fait trop longtemps que je connais toutes les feintes de ces séries, tous les pièges et tout, je les connais tous par cœur. Ouais, moi, ça fait depuis juin, j'y ai pas mis oui, les pieds là-bas. Bah ouais. Donc, finalement, bah, je me fais, comment dire, sans être vulgaire. Tu te fais avoir. Ouais, voilà, c'est ça. Par les petits pièges. Ouais. Donc, notre but, enfin mon but, c'est d'avoir moins de fautes qu'Esther cette semaine au code. Souhaitez-moi merde, bon courage. De toute façon, moi j'ai rien à perdre, donc. Ouais, c'est... donc je m'en fous. Bon alors. Ben voilà, c'est tout. Voilà. Donc, on avait à dire. On vous donnera ça, on vous donnera les résultats évidemment. Bah, dimanche prochain. Dimanche prochain, on vous fera le suspense. On vous dira sur les réseaux sociaux quand est-ce qu'on y est au code. On ouais. vous mettra une petite story Insta et tout ça avec le petit boîtier, tout ça. Et je prendrai en photo, on vous mettra ça dans la story la semaine prochaine, tout ça. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause? Est-ce qu'on s'écouterait pas le nouveau David Guetta? Allez, vas-y, Hugo. Allez, c'est parti, comment on s'écoute le nouveau David Mais Guetta. Wendo. Et avec Brooks et Loot. Ouais, alors il manque un mot. Bon, better ouais. When you're gone, je crois que c'est. Ah oui. C'est juste qu'il manquait un mot sur le programme parce que ça s'est pas mis. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Je vais pas commencer à raconter ma vie. C'est bien ça, tu avais bien fait 11 fautes. Ouais, voilà. Merci de me le rappeler. Super. Allez, David Guetta, c'est le nouveau. On se l'écoute juste après. On vous fait la grosse annonce de ce qui se passe dimanche prochain. Restez dans connectés. Zbazi Radio. Pardon. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Stop. Stoppons le délire. Arrête. Oui, totalement. Qu'est-ce qui arrive? 2 secondes. Quoi? Ah. Madame se met en place. Elle est du mauvais côté. Elle est mise dans le mauvais sens. Tout va bien. Qu'est-ce qui. Tu me fais tousser aussi. Non, on est tous les deux en train de décéder, c'est horrible. Bon, Esther va être malade ce soir. Ouais, super. Donc prévoyez les doliprane, sirop, enfin tout le bordel quoi. Oh là là. Qu'est-ce qui arrive dimanche prochain? J'ai toujours pas mis de musique de suspense, ça va pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça manque. T'as pas le truc news? Ah, si ouais. J'avais oublié que ça existait ce truc. Moi, je l'ai en tête. La semaine prochaine, à partir de 18h déjà, on change de nom. Voilà. Bon, en fait, déjà, on change carrément de station, on sera plus sur hashtag. Ouais, enfin si, la semaine prochaine, si on le sera, peut-être encore. Ah. Mais sinon, on sera sur Alter Radio, donc il faut nous suivre sur... Sur les réseaux sociaux. Oh là. Sur Instagram, c'est long à monter, Twitter hein. Et Facebook. Bon, plus personne à Facebook, mais voilà, les plus vieux d'entre vous, allez, rejoignez-nous sur Facebook. C'est tellement méchant. Oui, mais bon. Donc, on sera sur Alter Radio, vous pourrez nous écouter sur Deezer, sur la télé d'Orange, je crois que sur la peut-être sur la Freebox aussi, je ne sais pas, peut-être ouais. Sur le site, hein, altmedia.me. Ouais, sur les lives Insta et Twitter. Les lives Insta, tout ça, on vous expliquera comment vous participerez à l'émission sur les lives Insta, tout le bordel, on vous expliquera mais ça, je pense que évidemment, prochaine, ce sera sur une émission les réseaux sociaux. Un peu, ouais, parce que ce sera un peu le bordel, hein. Bah, on ouais. vous prévient. Ce sera le bordel. Si nous on a Facebook, ouais, c'est bien ce que je disais, les plus vieux d'entre vous. Enfin bref. Donc voilà, faudra nous suivre sur les réseaux sociaux parce que les lives on vous les partagera sur Facebook, Twitter et Instagram normalement. Voilà. Donc faudra nous suivre, donc vous nous suivez sur nos pages Facebook à nous, donc Zbazi Radio pour l'instant. On n'a pas encore dit notre nouveau nom. Donc pour l'instant, ça s'appelle Sbazi Radio, c'est affiché en haut de votre écran. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et prenez une petite pause là pour vous abonner. Ouais, voilà, vous pouvez même partir. Cassez-vous si vous avez envie. et vous allez dans les réseaux sociaux. Ou sinon, vous les avez dans la description, la les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, vous avez notre Twitter et tout ça. Enfin, bon, bref, vous vous débrouillez. Je pense que vous savez appuyer sur des liens bleus. Donc voilà. On vous... Quoi, ils sont bleus? Oui, non mais. Voilà. Donc on arrivera sur Alter Radio. On vous partagera donc les lives, tout ça. Faudra aussi vous abonner aux réseaux sociaux de Alter Radio, parce que ce sera sur les réseaux sociaux oui. d'Alter Radio que ce sera diffusé. Mais on vous partagera via les nôtres. Sur les nôtres, on vous mettra tout de l'émission, bah, comme on fait là. Là, il y a des petits tweets et tout qui se mettent pendant l'émission. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a rien sur Minitel. Non. J'arrive et vous changez de nom. Bah oui. Et PS, c'est normal que le chat soit au ralenti. Non, c'est pas normal. Non, c'est mais pas normal, pas mais on n'arrive pas à l'enlever. J'arrive et vous changez de nom. Ouais, on change de nom. Attends, on va en apprendre. On laisse un peu le suspense. Oui. C'est sympa pour l'instant avec nous qui savons. Ouais, c'est relou, le chat ralenti. Il y a un commentaire sur deux qui apparaît pas. Mais ouais. Mais on sait pas comment on fait pour l'enlever. Bah ouais. Ah, la génération d'aujourd'hui, hein. Je sais pas comment on fait. Bah ouais, comment ça se fait. Mode ralenti. Je crois qu'on va faire une recherche Google. Hein. Ouais, vas-y. Carrément. Au point où on en est. Hein. Donc, bah moi, comme ça, je vous explique un peu mieux. Vous pourrez nous écouter sur Deezer. Ouais, voilà. Sur la télé d'Orange, etc. Mais si vous écoutez comme ça, bah vous pourrez pas chatter avec nous en direct. Enfin, pour chatter, il faudra être sur les lives Insta et Twitter. Mais pas de. Pas de notre Insta et Twitter, mais d'Insta et Twitter de Alt Radio. De toute façon, on vous retweetera dès que les lives, on vous voilà, les repartagera ouais. sur la page ouais. Facebook, donc tout ça. C'est pour ça, abonnez-vous au truc, etc. C'est dans les options du chat. Ouais, mais le problème, c'est que dans les options du chat, j'ai que gérer les modérateurs, participants, activer le redotage ou envoyer des commentaires, enfin bon, bref. C'est pas dans les réglages de la chaîne YouTube. On est dans la merde. Genre, c'est pas vers là. Non, ça va pas être là. Bah tant pis. Ah! Et je crois qu'on ne peut plus l'enlever en fait. C'est vrai, mais comment ça se fait qu'il s'est mis? Tu l'as mis peut-être sur ta chaîne YouTube l'autre, Hugo? Attends, les propriétaires des événements ne sont pas. Super l'émission! Bon, on regardera ça après, parce que là c'est passionnant pour vous, hein, j'imagine. Donc voilà, donc pour les lives, tout ça, on vous réexpliquera ça, on vous le mettra sur Twitter, tout ça. Je pense qu'on enregistrera un petit truc pour vous le dire. Oui. Donc, ça partira la semaine prochaine à 18h, le 24 février, évidemment. Et pour ne pas changer, le 3 mars, on sera pas là. Donc, d'accord, c'est plus. Je suis pas là, Esther. Ah ouais, bah peut-être. Donc, je vais pas faire d'émission dans la voiture. Bah, non. Ce serait un peu bête. Enfin, c'est possible en vrai, mais bon, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà. Et on n'a pas dit notre nouveau nom. Ah bah non. Alors on va s'appeler... Vas-y, dis-le, fais-toi plaisir. On va s'appeler le débrief de la semaine. Bon, c'est pas un truc de ouf. Mais fallait qu'on trouve un truc. Du coup, débrief de la semaine, on parle de ce qu'on a fait dans la semaine, c'est la fin de semaine, bon bah... Bah ouais, après c'est ce qu'on fait dans l'émission, quoi. On fait un débrief de la semaine, avec les journées mondiales et tout, les coups de cœur et coups de gueule. Ouais, voilà, c'est ça, donc... on n'a pas cherché loin, quoi. Faudrait qu'on rajoute un truc, l'actu de la semaine, comme truc. On pourra modifier des petits trucs. On aura le téléphone aussi qui va arriver. Ouais, donc vous pourrez nous appeler. Et vous du coup, allô, comment ça va? Mais ah oui, mais on n'a pas dit Alt Radio, c'est une web radio. Donc si vous avez le site internet de Alt Radio et tout, c'est altmedia.me, c'est écrit en bas à droite de votre écran. Voilà, vous pourrez nous écouter là-dessus. Et je vais vous dire un autre truc. Ah, j'ai oublié. Mince. Oh non, bon, tu disais quoi avant que je dise ça? Ah bah moi je disais que bonne question. On a un trou de mémoire. Bon, nous cette semaine notre béret a fait un tour en hélicoptère. Ah, ça c'est vachement bien. Non, parce que en fait elle était dans une station de ski, elle a perdu connaissance. Du coup ils ont dû l'emmener aux urgences. Voilà pourquoi. Ah mais d'accord, j'ai cru c'était c'était pour le tourisme. Ah non non. Non en fait mais en fait je sais même pas pourquoi elle dit ça, on va pas le dire à tout le monde, enfin bref. Maintenant, c'est un peu trop tard. Hein. Bref. J'espère que vous n'allez pas faire l'émission sur le mode ralenti. Bah non, du coup, on sera plus sur YouTube. Donc Non, oui, bah oui, bah du coup, ah ouais, on n'aura pas lu ce problème-là. Oui. Et vous pourrez partager aussi tous les petits lives et tout plus facilement. Comme ça, on aura un maximum d'auditeurs. Attends, mais je vais voir comment ça fait le mode ralenti. Bah test, hein, fais-toi plaisir. Ouais, je vais écrire un petit com. Donc voilà, bah, chose... chose à retenir, la semaine prochaine, nous serons sur Alter Radio, coupe le son. nous serons sur Alter Radio, on vous redira ça sur les réseaux voilà. sociaux, tout ça, tout ça. Et on va changer de nom. Et ah, d'ailleurs, les replays seront disponibles à plus d'endroits. Bah non, moi ça s'est mis instantanément. Hein. Ouais, et si tu le refais, normalement, ça va pas te le faire. Ça va pas t'accepter. Okay. Et donc voilà, les replays seront toujours dispo sur Spotify, Google Podcast, mais sur Deezer aussi. Ah, et sur, je crois que sur Apple Music ou sur iTunes, je sais plus, je crois que ça y sera aussi. Donc toujours plus de choix pour nous écouter en replay voilà, ouais. aussi. Ouais. Voilà, voilà, tout ça pour faire un tour en hélico, tomber à ski et perdre connaissance. Ah ouais, non, mais vous êtes fort quand même pour faire ça. Ah oui. Bon, bah, c'est béré quoi. Alors, ah mais ouais, j'ai toujours pas fait ma Minute Ariana, dis donc. Bah oui, ça va être maintenant la Minute Ariana, mais c'est non, à 18h30 c'est maintenant. Tu as mis... Ah oui, c'est vrai, c'est plus avec 15 en fait. Eh oui, ça change. Mais est-ce que tu veux la passer avant ou après? Bah, on la passe avant. Non, on la passe après, non. Non, avant. Avant, j'ai dit. Bah, d'accord. Ah, alors, ouf. On va se laisser avec le nouveau single d'Ariana Grande, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. Oui, il est hyper long, mais il est trop bien. Et voilà, et juste après la Minute Ariana. Le mode ralenti est enlevé. Bref. Mais c'était hyper compliqué. Faites-vous mais plaisir. Réussi à l'enlever. Yes, heureusement que les aides sont là. La Minute ouais. Ariana, Esther, qu'est-ce que tu as? Alors j'ai à nous beaucoup dire de choses à dire. Minute Ariana. Tu peux mettre en fond NASA si tu veux. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et ben, c'est super bien. Wow. Alors Thank You Next est sorti le 8 février, donc c'était vendredi dernier. Ouais, voilà. Et il a eu en une seule journée 70 millions de streams, donc 70 millions d'écoutes. C'est le plus gros lancement pour une artiste féminine, donc 70 millions. Oh bref, je suis trop contente, elle a battu un record. Ah oui, sur Spotify, j'ai oublié de dire. Voilà, Spotify, mais moi de toute façon, j'écoute, Spotify, sur Apple, j'écoute sur Apple Music, j'ai pas pu participer au record, oh, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, elle est devenue l'artiste féminine la plus suivie sur YouTube, donc elle a dépassé Taylor Swift, et elle a 32 millions et 26 000 et quelques d'abonnés sur YouTube. Oui, mais elle est longue ta Minute Ariana, en fait. Oui, non, mais c'est voir. Juste ça. Ah, ça va, ça va. Et voilà. Et ensuite, elle a gagné un Grammy Award pour l'album pop de l'année avec Sweetener. Donc voilà. Et franchement, je vais autant le dire, c'est vraiment une des artistes les plus influentes en ce moment. Hein. Vraiment, tout le monde l'écoute. Il y a même eu une journée spéciale Ariana Grande sur Energy mardi, mercredi. Il mettait je un sais plus. Hit toutes les 30 minutes. T'étais trop contente. Ouais, j'ai écouté un peu, mais en fait, c'était chiant parce qu'il y avait plein de chansons nulles entre. Du coup, genre, ça m'a saoulé, j'ai pu écouter. Enfin, bref. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment. Elle est influente en ce moment et voilà. Et elle va être à Coachella, etc. Elle va faire plein de festivals et tout. Mm. Et sa tournée, elle commence dans un mois, dans le Sweetener World Tour. Donc, je suis trop contente. Donc, ah oui, non, mais toi, c'est en août que tu oui, vas moi, au en concert. Oui, c'est en août que je la vois, ouais. T'es trop contente. Oui. Elle est trop contente, c'est fou ça. Voilà. Voilà, bah, c'était ta petite Minute Ariana. Oui, c'était ma petite Minute Ariana. Et du coup, tu penses quoi de son album? Ah, bah, je l'ai dit un peu d'un bon coup de cœur, attends. On est tous les deux malades, oui, c'est horrible. Oui. Tu viens de me refiler, clairement. Donc, bref. Ah, bah oui, bah, je l'aime trop son album. Et non, franchement, j'aime trop. Alors, mon top 3, je sais pas s'il y en a qui écoutent du Ariana ici, c'est Ghostin en premier, NASA en deuxième. NASA qui est ça, hein, qui passe. Et en troisième, j'ai oublié. Non, super. Je crois que c'est Make Up. Franchement, Make Up, je l'aime trop. Voilà, d'accord, ouais. Et elle veut me forcer à écouter l'album. Oui. Chose qu'on verra si... Ouais, je verrai, si j'ai le temps. Oui. C'est l'excuse pourrie, ça. S'ambiance toute seule. Attendez, écoutez là. You don't wanna leave me, but I'm trying to self-discover. On va arrêter ça. Mais l'Ariana est même pas venue chercher son Grammy Award. Oui, bon, c'est parce qu'elle avait pas envie. Enfin, non, c'est parce qu'en fait, il voulait pas la laisser chanter ce qu'elle voulait, donc elle est pas venue et fuck les Grammy. D'accord, ok. Mais voilà. C'est un peu comme les Energy Music Awards quand ils veulent pas venir. Ou... Je crois que Dua Lipa, elle était venue à condition qu'elle ait une récompense. Du coup, elle avait eu la chanson la plus streamée ou une connerie du genre. Enfin, Bah, donc la preuve que c'est trafiqué les pas... votes. Hein. Bah, non, là du coup, c'était des trucs en plus. Genre, c'était, tu pouvais pas voter pour cette catégorie. Genre, c'était tu l'avais. Ah, c'est comme les un peu awards d'honneur. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, donc bon, c'est pas tant qu'ils mettent pas de bonnes stars au Energy Music Awards, ce sera pas bien. Oui. Bref, eh ben on passe de suite aux Journées Mondiales qui sont maintenant à 18h33. Enfin, aujourd'hui, elles sont à 18h33, mais voilà. Veux-tu commencer ? Fais-toi plaisir. Pour que tu fasses celle-là, évidemment. Oui. Bon, d'accord. Oui, ok, je commence. Alors, dimanche dernier, quand on n'a pas fait d'émission, c'était la journée internationale sans paille. Et sachez que la paille, c'est une des choses qui pollue le plus cette planète. Ça va être interdit, maintenant. La paille en plastique, en tout cas, va être interdit. Ça va être des pailles C'est comme les cotons-tiges. Oui, des cotons-tiges aussi, ça va être interdit. Ça va être des pailles bambou, je crois, à base de bois. Ouais, de... Comme ça. Ouais, oui, c'est de bambou broyé, je sais pas quoi. Enfin, ça sera du carton en bambou, un truc du genre. Enfin, c'est... Pff, c'est compliqué, hein. Bon, au pire, hein, moi, ça me fait un truc de bois. Genre, tu sais pourquoi c'est interdit ? Parce que quand c'est dans la mer et tout, bah, les poissons, ils avalent et ça reste coincé dans l'estomac. Ouais, je sais, mais j'avais vu ça pour les cotons-tiges parce que ça passe trop à travers les machines ou je sais plus quoi. Et du coup, ça se retrouve dans la mer et du coup, bah, pouf, c'est immeur. Bah, pareil pour les pailles, c'est... Voilà. Enfin bref. Donc voilà, c'était la journée internationale sans paille. Et moi je l'utilise qu'au resto à McDo. Hein. Oui, c'est vrai. Mais j'espère qu'il y aura toujours le petit emballage où quand tu souffles, ça part dans les gens. Enfin, non, je suis un gros gamin, on ne peut dire. Mardi 5 février, d'ailleurs, qu'est-ce que tu m'as dit 3 février, c'est quand on n'a pas fait l'émission. Pas du tout. Hein. C'était le 10 qu'on n'a pas fait l'émission. Mais alors, mardi 5 février, c'était la journée mondiale du Nutella. J'étais déçu, on n'avait même pas la cantine. Même pas, ils l'ont fait. Enfin, si, ils l'ont mis, ils en ont mis jeudi quand même. Voilà. Ouais. Donc, le produit. On va, autant raconter un peu l'histoire. Parce que tu la connais l'histoire du Nutella ? Bah non. Eh ben, je te donne en mille. Oh là là, on dirait une émission faite pour Petit Secret pour entre voisins. Là. Ouais. C'est des trucs très mal joués. Ce produit remonte presque à la nuit des temps. Au moins à l'époque des 60 ans qui n'ont pas pu connaître, ça veut rien dire. Bon bref, non, c'était moi, ça m'a fait rire, c'est ça. Et les poissons, ils ont pas besoin de paille pour boire. Bon, vraiment, on rigole pour rien. Ouais, on dirait vraiment, on est drogués. On est juste malade en fait. Il est en train de s'étouffer. Oh non, mais c'est n'importe quoi cette émission. On a jamais fait une émission aussi peu pro. D'accord, ok, mon micro n'était pas rallumé. En 1949, la canicule a fait fondre un bloc de chocolat noisette préparé par un pâtissier d'Alba, dans le nord de l'Italie. Ah, c'est comme ça qu'est né Nutella. Et du coup, bah, les enfants, ils étaient, enfin, ils ont pris la pâte là qu'il y avait, donc le chocolat qui avait fondu, et ils l'ont de suite tartiné. Du coup, bah, ça a été le succès, la success story. Wow. Et donc voilà comment est né le Nutella. Et d'ailleurs, on se souvient qu'en 2018. Les gens se sont quand même battus pour le Nutella à Intermarché. Qui était à 3 euros. Je sais même plus. Je suis allé même pas en acheter en plus à ce moment-là, je m'en souviens. Non mais c'était marrant, regardez, j'avoue. Oui, c'est vrai, on aurait dit tes J'avoue que c'était tellement drôle. Ouais. Donc voilà, donc bon ben, bah, les gens, c'était moins cher, du coup, ils se sont fait plaisir. À toi, la prochaine journée mondiale. Alors, mercredi 6 février, c'était la journée mondiale sans téléphone mobile. Donc je n'ai pas respecté en fait. Nous non plus. D'ailleurs, attends, ça fait c'était pendant 3 jours je crois. Il me semble. Ouais. Oui, c'est ça. Pendant 3 jours, le 6, 7 et 8 février. Ah. Et certainement pour donner le temps de décrocher. Ah bah ouais. Ouais nous bah on l'a pas fait hein, clairement. Oui. Nous faire ça. Ouais, depuis 2004 non. En plus. Ouais, en non, plus, c'était au lycée. Attends, au lycée, faut s'occuper, quoi. Hein. Ouais, grave. Je veux dire, t'as pas ton téléphone, tu t'emmerdes. Hein. Tu te fais chier. Surtout un mercredi après, mais après... Ouais, c'est ça. C'est du poison, le Nutella, faut arrêter d'en manger. Ah non, j'en ai remangé, là. C'est bon. Ouais, c'est j'adore vrai que c'est ça. Super bon, mais c'est pas bon pour la planète. Le mercredi 13 février, c'était une journée mondiale qui nous concerne un petit peu, nous deux. Enfin, plus moi que toi, mais bon, vu que tu fais cette émission avec moi, ça te concerne un petit peu. Ouais, en fait, je suis un peu dans l'émission, hein, je te préviens. Ouais, mais tu veux pas en faire ton métier. Non. C'était la journée mondiale de la radio. Voilà. Voilà, c'était le 13. C'était mercredi. C'est pour fêter la radio, ben... Ouais. Voilà. C'était la journée mondiale de la radio. Voilà, ouais. Super. Je crois qu'il n'y a pas d'autre truc à dire. Hein. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a même rien à rajouter. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée mondiale de radio. Vous ne le saviez peut-être pas, vous l'avez appris. On est pile à l'heure, je viens de voir. Ouais, c'est ce que je viens de voir. L'huile de palme, un petit peu de gras, ça fait pas de mal. Mais c'est pas bon pour la planète. Hein. Oui, c'est pas faux. La journée de Nutella, ok, c'est bon, mais l'huile de palme est mauvais pour la santé. Et en plus, il tue des espèces, notamment l'orang-outan, pour faire pousser les palmiers. Ouais, ben ça, je C'est ce que tu viens de dire à l'instant, du coup, c'était mal pour la planète. Écoutez, En même temps, je sais pas quoi dire, mais c'est bon le Nutella, mais il faut pas, c'est bon, hein, tu fais un pot en 2 semaines, c'est deux semaines mais c'est ah si, moi il dure 2 semaines hein, le pot quand même. Attends, toutes les 2 semaines t'achètes un pot de Nutella? Bah, toutes les, fin, je le finis, de quoi, bah, c'est pas beaucoup. Ça fait 24 pots en un an. Hein. Bah ça va, t'en as, ils en achètent toutes les semaines. Regarde mon frère, il en bouffe une par semaine. Oh ça va pas lui plaire que nous, je dis ça. Nous, à la limite, c'est un pour un voire 2 mois. J'en mange pas tant que ça. Ah oui. Mais en fait, moi, je me remets à manger parce que j'en mangeais pas pendant un moment. Enfin, bon, bref, ce Nutella, quoi, c'est bon. En même temps, si t'as plus de téléphone, tu peux pas décrocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a marqué certainement pour se donner le temps de décrocher. D'accord, ok, oui, c'est bon. C'est pour ça, c'est tant que ça revienne à l'esprit, tout ça. Ah là là. Un poupe toutes les 2 semaines. Ça va, vous allez pas commencer à faire un... Je suis autant choquée. Hein. On a essayé la pâte Milka. Ah, c'est trop bon, la pâte à Milka. C'est bon. C'est là, je trouve que c'est meilleur que le Nutella. Faudrait que tu goûtes. Bon, parce que je viendrai chez vous pour goûter. Il y a un petit peu d'huile de palme, je crois, j'ai vu. Hein. Mais c'est surtout de l'huile de coton, un truc comme ça, donc c'est beaucoup moins polluant. Ouais, mais c'est des petits pots, ouais, c'est les petits pots qu'on a, c'est pas les gros d'un kilo. Hein. Nous, c'est les petits que tu sais que tu peux, tu laves et tu fais en verre. Genre 30, non, c'est combien de grammes par exemple? Ah, je sais pas, bah on ira le chercher nous, après. Nous, on a des gros pots 500 grammes, je crois. Ah non, nous c'est les petits, je vais aller t'en chercher un après. Ah. Je sais pas mais si c'est. Des gros, comme ça, ça fait plus d'économie. Me dis ça à ma mère. Hein. si tu fais ça dans 10 ans, t'auras du bide. Oh, t'inquiète pas qu'il est déjà un peu là. Hein. Il nous fait plusieurs mois le pot. Ouais, mais vous, c'est des gros pots, voilà. Il y a aussi de l'huile de palme dans la pâte à Milka. Oui, voilà. Et vous allez pas commencer à tous nous faire un scandale. Mais il y a beaucoup moins d'huile de palme que dans le Nutella, en tout cas. Mais non, franchement, la pâte à Milka, c'est super bon. Faudrait que tu goûtes, Hugo. Bon, vous savez quoi? Pendant PLK dingue, vous nous faites hashtag team pâte à Milka ou team Nutella. Voilà. Et on va s'écouter PLK dingue et puis... Et puis on se retrouve juste et après. Pas Christophe Maé, ding. Ouais. Quand même, on le précise avec nous. Non, je sais pas merci pourquoi j'ai dit ça, désolé. On se retrouve juste après, évidemment, pour le moment que vous attendez tous. C'est le N'oubliez pas les paroles. C'est l'avant-dernier du mois. Un truc de, pardon. On se met un peu du rap sur ce Basi Radio. C'est vrai qu'on en met ça pas. Ça change, beaucoup. Ça change. Oui, voilà. Attention, la trompette qu'on adore. Poum. Et encore. Du coup, j'ai regardé pour le Nutella, c'est des pots de 150 grammes à peu donc près. C'est un verre. Ouais, donc c'est petit verre. Bah, du coup, j'ai utilisé en verre moi. Gros pots, non? Mais non, j'ai bois moi là-dedans. Oh putain. Ah oui, mais moi, c'est les verres Nutella que je prends. Ouais. Voilà. Milka, c'est le coach de The Voice. Non. Enfin, c'était. C'était, parce qu'il y est plus. Bon, après The Voice, c'est pas terrible non plus. Enfin, attends, non, si, il y est toujours, attends. Je sais même plus. Bah, j'en sais rien, moi je regarde pas ces voices. Bah, moi non plus, c'est pour ça. Ouais. Donc. Non, mais je crois pas qu'il y ait, ouais. Je crois qu'il y ait plus. Jennifer, Julien Clerc, bon, Soprano pas, et. Nicolas et. Vegas. Non, mais non, ça c'est pas le coach. Je sais. Ah, et Zazie. Bah, non, Zazie, elle y est plus si. Ah. Vu. Nous, c'est 750 grammes. Ah, vous avez pas honte? Mais des nous, gros pots comme ça. Ouais. Ah, bah voilà. Non. Ah, si, il y est toujours. Ah, si, Mickaël, il y est toujours. Bon bah ouais, d'accord. Bon bah apparemment. Enfin super. Bref. Dites-nous si vous regardez. N'oubliez pas les paroles. The Voice. Hein. Voire même. Oh non. Pas quoi? 950 grammes quand même. C'est le scandale. Bref. Je vais rappeler les points. Vas-y. Alors. Les points de ce mois-ci. Donc. Ce mois-ci. Donc Bastien il avait 4 points. Inès 1 point. Thomas 5 points. Mais comme il est pas là ce soir, je pense que Bastien va le dévancer. Sandrine. Le quoi? 1 point. Attends, t'as dit quoi? Le dévancer? C'est pas ça. Bah, le devancer, non? Devancer, j'ai dit. Ah, devancer. Bon, c'est bon, là là. Oh là là. Sandrine, 1 point. Chaton, 2 points. Et Blague à Papa, 1 point. Voilà. Comme d'habitude, 2 chansons françaises, 1 anglaise. Voilà. La première chanson française, elle est un petit peu compliquée. S'il faut, on vous donnera un indice. Sinon, après, le reste, par déduction, vous j'en connaissez. De toute façon, c'est super. J'essaie tous mes problèmes de côté. Bon, bah, voilà, vous savez, la première chanson, c'est Déconnecté. Voilà. de DJ Hamida avec Kenya Samé, Rimka, l'artiste, enfin bon bref, ça va, je vais le défoncer. Massia, il est chaud, il est déter. Attention, premier extrait, il y a 8 mots à trouver. Ah bah c'est déjà fini. Je me suis perdu. La trompette. C'est le bordel. Mais c'est quoi cette émission? Quels sont les 8 mots manquants? Voilà. Alors voilà. Bon, il n'y a plus de chat au ralenti, donc au calme. Ouais, voilà. Vous pouvez vous faire plaisir maintenant. Oui. J'ai cette homme pour bien. Oh, je suis en train de décéder là. C'est pas possible. Bon, si. Alors, par contre, si vous ne trouvez pas, on va vous aider un petit peu parce que. C'est un peu compliqué. Il y a 8 mots. Celui-là. Mais on l'a quand même pas mal entendu cette chanson. Au bord d'une piscine. Non, mais c'est pas ce moment. Bah, oui, je sais, c'est pas ce moment, mais je veux savoir le moment d'après. Alors, Inès qui propose, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Pareil pour Bastien, pareil pour Chaton. Attention, on écoute la bonne réponse. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Bref, un point pour Inès, Bastien et Chaton. Yes, donc ça fait 5 pour Bastien, 2 pour Inès et 3 pour Chaton. Yes, oh, elle est pas loin, Chaton. Ouais. Elle est pas très très loin. Il suffit que Bastien se plante et ce sera simple. Attention, nouvelle chanson. C'est Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. C'est vrai qu'on met que des vieilles musiques. Pardon. De quoi, oui. On a mis que des vieilles musiques, ou n'oubliez pas les paroles. Ouais, mais c'est sympa. Ça Je l'aime trop, Call Me Maybe. Ça ravive un peu. D'ailleurs, on l'avait passé dans une spéciale, mais enfin bon, bref, voilà. Ouais. Donc, Carly Rae Jepsen, c'est maintenant. C'est facile, il y a 4 mots à trouver. Oui, c'est oui, ça, 4 mots. Et qu'est-ce qui le manque? Wow, yeah, yeah. On est beaucoup trop dans l'ambiance, hein, faut qu'on s'arrête. Ah, Chaton, elle aime pas du tout la chanson Déconnectée. Ah, elle aime pas, elle a loupé un truc, hein. Ouais. Ça d'être vieille. Oh. Non, je rigole, c'est méchant. C'était oui, pour la spéciale 2012 qu'on avait passé la Carly Rae Jepsen. Ça date, hein. Ouais, ouais. C'est, et, attends, l'émission spéciale 2012, elle est, ça, on, bah, c'est la première spéciale qu'on a faite. Ouais, c'était la 3ème émission, c'était celle... Ah oui, ouais. Je sais pas quand, parce que j'ai pas la date, mais c'était il y a très longtemps. Ouais, grave. Hey, I just met you. Alors, quelles sont les propositions? Alors, on a du So Call Me Maybe, So Call Me Maybe ou Call Me Baby. Aha. Aha, quelle est la bonne réponse? Peut-être que Sandrine a la bonne réponse, peut-être que Inès a la bonne réponse. Eh ben, on écoute ça. Il y avait 4 mots, hein. 4 mots. Donc bon, bah, on sait que Sandrina l'a perdu, voilà, du coup. Attention, bonne réponse. C'était évidemment So Call Me Maybe. Inès, Chaton et Bastien ont la bonne réponse. Oui, c'était le 7 octobre qu'on a fait la spéciale 2012. Ah, ça remonte à très longtemps. Beaucoup trop longtemps pour nous. On est la vieille. On n'est pas vieille. Ah, on n'est pas vieille. Non, je rigole. C'est pas vrai parce qu'il y en a des beaucoup plus vieux que vous sur les chats. Ça, c'est encore plus. Comment m'enfoncer? Non, mais, je rigole. Mais en vrai, si je suis trop vieille pour ce genre de chanson MDR. Oh, ça va, c'était il y a quelques années quand même. C'était son adolescence, je pense. Ouais. Un peu, oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai oublié le saut. Ah oui, bah ouais, mais c'est pas Baby, hein. C'est pas... Maybe. Oui, c'est pas Baby. C'est Call Me Maybe. Maybe. Et voilà, pas Baby, c'est. Je savais que donc, tout le monde allait se planter pas là, donc. Ouais. Donc voilà. Attention, on va remettre la trompette un peu. Oui. Wouh. Alors, cette trompette, on l'abandonne pas. Ne vous inquiétez pas, quand on sera sur Alter Radio, elle sera toujours là. Ouais. La dernière chanson, c'est What's Big Ali de Big Ali. Alors celle-là, si vous connaissez pas les paroles, vous pouvez faire par déduction. Parce que c'est une expression. Et là, ça me dit rien la chanson, mais je pense que quand je vais l'entendre. Ouais, mais tu vas voir, tu peux faire par déduction, tu peux y arriver. Ouais. You can do it! C'est pas. Your dream come true! Je m'ambiance beaucoup trop pour un truc. Attention, c'est parti pour l'extrait. On s'hypnotise! J'ai oublié de dire. Il y a un mot à trouver, donc c'est pas compliqué. Un seul mot. Donc, c'est parti pour l'extrait du coup. On s'hypnotise comme la drogue qui nous tourne en bleu. Je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne. Ah ouais. Ah oui, c'est facile à trouver. Ah là, si vous trouvez pas vraiment, vous pouvez le faire par déduction. Hein. J'avais pas vu non plus le maybe. Ah bah tu vois. Salut le petit monde de Sarah. Salut Sarah. T'arrives un peu à la fin, mais c'est pas grave. Mais parce merci que chaton, si vous n'avez pas laissé le pouce bleu, c'est le moment. Oui. Et évidemment, mettez un pouce bleu. Yes. Pour nous. Et on aura. Bon, en attendant, on va rappeler que la semaine prochaine, on sera sur Alter Radio. Donc, pour nous écouter sur Deezer, la TV d'Orange, si vous en avez une, ou la TV de Freebox, je pense qu'il y a aussi. Mais j'ai pas de Freebox, donc je peux pas tester. Sur Deezer, je l'ai dit, sur le site altmedia.me. Et slash Alter Radio et les réseaux sociaux. Bon, il y aura des petits lives qui se lanceront à chaque fois entre les musiques pour l'émission, pour que vous puissiez participer sur Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. Donc venez nous suivre. Bastien, attends. Inès nous propose faux. Bastien aussi, Isa aussi, Chaton aussi avec le waouh. Sophia aussi, Sarah aussi. Tout le monde nous propose. Faux, comment ça, ça va très bien, écoute, tu nous demandes comment ça va. Ah non, pas du tout. Tu réponds, chaton, bon, bah super. On va écouter la bonne réponse. On s'hypnotise comme la drogue qui nous tourne en bleu. Je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux. Faux, wow, évidemment, c'est la bonne réponse, faux. Bon, bah du coup, il y en a pas mal qui ont la bonne réponse. En fait, je crois qu'il y a des commentaires, ils viennent se mettre là, descendre. Genre, je vais vous écouter sur ma télé, quoi. Ça, c'est quand il y avait le monde ralenti. Non, non, non, ça c'est maintenant. Parce que je viens de dire qu'on pourra nous écouter sur la, télé. On l'avait déjà dit avant, du coup. Bon, merci, alors ça. Esther. Fait... alors, qui ont eu les points? Parce que alors, du coup, Bastien, j'ai plus trop suivi. 7 points. Inès aussi. Non, Inès. Bah, 4. Si, Inès, elle a eu. Ah oui, oui, mais elle a combien de points? Oui, 4 d'accord, 4 points. Chaton, 5. Thomas, 5. Isa, 1. Sarah, 1. Et. Blague à papa 1, mais il a pas joué. Et voilà, du coup, ça fait que le grand gagnant du mois, c'est Bastien. Attends, et ouais, mais du coup, on n'a pas fait la musique. Oh, j'ai une idée. Quoi ? J'ai une idée. Là, en 30 secondes, je vais vous remettre une chanson qu'on a déjà mise. N'oubliez pas les paroles. On va vous laisser le nom. On ne vous dira pas le nom. On vous ne dira pas le nombre de mots qui manquent, tout ça, parce que déjà, je m'en souviens pas moi non plus. Et j'ai lancé... Non, c'est pas ça. Non, mais c'est là qui gagne... Enfin, en fait, c'est la What If We Gagne. Ah, d'accord. Je vais m'en souvenir, là. Ok, pas trop tôt. Mmh. Et cette chanson vous fera gagner 6 points. Ah ouais? Ouais, 6 points. Là, tu vas en mettre une maintenant, là? Oh, quoique 6 points, c'est beaucoup, attends. Bah, il faut combien pour détrôner la première personne là? Attends deux secondes, je suis en train de mettre les écritures en gras. D'accord là. Super. J'arrive. J'ai plus un parce que j'ai dit le haut. Non, non. Yes. C'est pas la fin du mois. Oui, mais on recommencera parce que, comme on arrive sur Alter Radio, on recommencera à zéro la semaine prochaine. Pour dépasser, et il y aura pas de spécial le 3 vu qu'on sera pas là. Pour dépasser Sébastien, il faudrait 2 points, mais on mettrait 3. Allez, cette chanson va compter 3 points. Attention, je ne vous dis pas le titre, ni l'artiste, ni rien. Mais t'as coupé là ? Vous débrouillez. Eh ben, c'est déjà une celle qu'on a mise. Ah, ok. Qu'on avait mise le. Ben, il n'y a pas la date. Ah ouais. Le, il n'y a pas la date. La 11e mission, si vous voulez vous amuser Esther, à compter. Plus. Si. Ah, mais en fait, c'est parce que j'étais en train de. Ouais, elle était en train de faire. Ouais. J'étais en train de marquer les points. Bref, attention, c'est l'extrait. Ça va, Bastien ? C'était au zoo ? Il c'est reste une chanson. 3 points, elle compte 3 points. C'est pas encore le gagnant. Hein. Il arrive est super. Comme bon, ça, attendez, en attendant. Il arrive en mode touriste. Et, ouais, coucou, c'est moi. Attention, comment ça, non, Esther? Pourquoi? Je sais plus. Bah, j'ai plus parce qu'elle a dit on t'entend plus. J'ai dit non, je sais pas. Bon, ok. Attention, on vous met l'extrait de la dernière chanson qui compte pour 3 points. Vous pouvez rattraper Bastien. Enfin, qui peut rattraper Bastien là? Thomas si, et Chaton. Inès et Thomas. Et ouais, Inès aussi. Et Inès, ouais, bah, Thomas, vous êtes Chaton. 3. Attention, concentrez-vous. Je me souviens même plus, on a coupé. J'aimerais trop qu'elle m'aime. Oh bah, c'est simple là quand même. Ouais. Franchement, facile. Il y a 3 mots. Le premier, non, bon, y a c'est un peu le bonheur, la chance. Deux ouais, il y a deux trouver, mots. Ouais. C'est un peu au petit bonheur, la chance. Hein. Le premier commentaire qui arrive sur notre ordi, sur notre écran, et ben ce sera lui le grand gagnant. Voilà. Tadam, tadam. Le premier. Mm. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais qui ou quoi? Ouf. Mm. Mais ça devrait être interdit aux gens qui habitent dans la même maison, MDR. Oui, mais il est pas là, oui. Ne vous inquiétez pas, il non, est pas mais dans il est notre pas pièce. Dans la salle. Enfin, quand même. Bon, bah je crois que la grande gagnante. Attends, j'essaye de faire un truc pour afficher la preuve. Je suis vraiment en train de tester des trucs. Ça va pas du tout. Faut vraiment que j'arrête. Ah, attention. Le suspense est à son comble. Est-ce que je vais réussir à vous mettre... Non, pas du tout. Il faudra qu'on mette une autre chanson, Hugo. On a un problème. Pourquoi? Sans égalité. Parce que là, attends, la première qui a mis le commentaire, c'est Inès. Donc Inès, je t'ai rajouté 3 points vu que tu en avais 4. Et ça te fait 7. Bon bah déjà, Inès a... Voilà. Ouais. Celle qui a gagné. C'était Mademoiselle Valérie, la réponse, vas-y, mets-la. Oui, pardon. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Mais elle ne veut pas, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Et j'aimerais... Eh ben du coup, on va faire la belle. Du coup, comme ça, égalité. C'est la finale entre Inès et Bastien. On a totalement improvisé cette finale. Voilà, ouais. Ça va pas du tout. Pourquoi il a imité qui? Non mais, il part... Oh, enfin bon, bref. Si vous voulez, Bastien, il joue, il est dans la même maison, mais il voit pas les paroles et tout ça parce que je le cache dès qu'il erre. Et là, il partait en faisant coucou. Enfin bon, bref. La victoire va se jouer entre Inès et Bastien. J'espère voilà. Que vous êtes chaud. Vous pouvez jouer les autres aussi. Ouais, faites-vous plaisir. Si allez. Vous voulez, ils pourront faire aide. Enfin, ils pourront choisir si c'est la mauvaise réponse. On sait jamais. Ils pourront choisir le commentaire d'un de vous pour que ce soit juste, quoi. Tout le monde. Ah, merde. Alors attendez. C'est bon. Attention, extrait. Ça compte un point. Petit Big Flo et Oli. Tu connais, non? Ah, t'as mis la chanson en entier. Non, attendez. On a un gros problème. Ça va pas du tout. Mais cette émission, il faudra la supprimer après. Attendez, on remet l'extrait. Allez, bouge. France, quand même. Excusez-nous, hein, quand même. Oui. Big Flo et Oli, tu connais, non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir, on a peur. On quoi? Suspense. Il y a je sais pas combien de mots à trouver. À vos claviers, il est Sébastien. Là, ils sont là en train de transpirer, ils écrivent. Toujours plus. Oui, mais j'ai dit. Le suspense est à son comble. Qui va gagner? Alors, c'est pas un blind test, Dioka. Parce que oui, c'est la chanson plus tard, en effet. Ah non, c'est demain en plus. Oui. je raconte n'importe quoi. Non, c'est pas ça la bonne réponse. Je laisse le suspense. C'est un peu foutu pour laisser le suspense, j'ai envie de dire. Bon bah Bastien, désolé, mais c'est pas toi le gagnant. Alors attendez, enfin, on va quand même écouter la bonne réponse. Sur notre chat. Ah non, mais en fait, il y a deux réponses différentes, tiens. Ah non, mais Bastien, il a juste continué, en fait. Non, mais... Ah oui. Oh, c'est moi qui gagne, j'ai mis plus de mots. Non, c'est le premier, on a dit. On a dit c'était le premier. Donc attention, on écoute la bonne réponse. Big Flo et Oli, tu connais non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Et c'est Inès qui a la bonne réponse. La grande gagnante du mois de février, c'est Inès. T'as pas la We are the champions. Ah non, mais je dois avoir la musique du loto quelque part. Bon, c'est pas grave, on l'a pas. On n'a pas le temps. Bon, je vois que ça fait 2 mois que tu n'es pas gagnant. Mais t'inquiète, il y a 12 mois dans l'année, enfin on va pas faire les 12 mois d'émission, mais voilà quoi. Oui, attends, et on s'arrête en juin-juillet. Alors, t'avais qu'à dire le nombre de mots. Ouais, bah tiens, gagne, il a dit plus de mots quand même. Inès donne sa victoire à Bastien. Ah ouais? Bon bah écoutez, Bastien est le grand gagnant. Bastien. Non, non, non. Si, non. Allez. Ah non, non, mais non. Si elle lui donne non, des... bravo Inès, il y a déjà trop tard. Moi, bon, c'est pas grave, Inès et Bastien sont gagnants. Oh, Bastien, ramène-moi le téléphone. Ah non, j'ai une idée. Pourquoi? On va appeler Inès. Mais Inès, faut pas que tu donnes ton gagnement, comme ça, comment on dit ton gagnement? On va écouter une musique, vous savez quoi, et on appelle Inès en attendant, pour fêter ça quand même. Écoutez, on va finir en retard, mais je m'en fous totalement. Elle a fait une faute. Ah. Elle a fait une faute. Bastien est déçu, elle a fait une faute, tiens. Je proteste, je suis désolé Inès, mais il y a une faute dans son commentaire. C'est bien. C'est parce qu'on voudrait AIS. Non, on voudrait que tu sois médecin. Et c'est on voudrait que tu sois un médecin. Après, on n'avait pas dit le nombre de mots, c'est vrai. Ouais. Bon, on va quand même l'appeler. Bastien, tu restes avec nous. Ah, t'appelles Inès, ouais. Ouais, ça on va. Va l'appeler. On est juste après Get Funky parce qu'il faut qu'on, tant qu'on prépare mais quand même. Je vais partir du coup. Ah. Bon, c'est pas grave. On s'écoute. Oh, bravo Get Inès, Funky. Je suis content pour toi. On s'écoute Get Funky et on va. Get Funky. Oula. Get Funky. Et on va appeler Inès, la grande gagnante de ce mois-ci avec Bastien. On là. Va dire vous êtes à égalité, quoi. Hein. Ouais, mauvais perdant. On se retrouve dans 3 minutes. Funky avec nous. C'est Inès. Je sais même pas si on l'entend, si on l'entend. Ouais. Mais du coup, moi, je peux pas l'entendre, attends, enfin, ça a coupé le truc. Inès, t'es en direct, hein. Oui. Alors, Inès, cette victoire. Ouais. Comment tu la ressens? Elle est contente. Mais non. Mais c'est Bastien qui a gagné, mais bon, ça va, t'es pas trop deg. Non, non. Mais non, mais moi je dis, on écrit Inès et Bastien, les gagnants du mois. Oui, voilà. Voilà, bon, bah les deux gagnants quand même. On est sympa. De toute façon, ça recommencera la semaine prochaine. Et on verra quand est-ce qu'on prendra, on mettra le téléphone. Quand vous en aurez l'envie, hein. Tout simplement. Yes. On mettra le téléphone très, très bientôt, tout bientôt. Il y a Sandrine qui te dit coucou. On fait des bisous à ceux qui sont partis aussi. Hein. Bah voilà. Ouais. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis voilà, tu veux un petit dire le petit mot de la fin, Inès, on te laisse ce privilège. Bonne soirée. Le meilleur mot de la fin. Voilà, on espère que... Rigolo, comme on espère que cette émission vous a plu. Ben, si vous a plu, faut nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, voilà, Instagram, si vous a plu, tout vous ça. Mettez un pouce bleu. Évidemment, Inès, tu nous suis déjà sur les réseaux sociaux, j'imagine. Yes. Évidemment, quelle est la meilleure émission? Vas-y, radio! Yes! Qui devient, si t'as bien écouté? Le débrief de la semaine! Ouais! Ouais. Oh, des gens écoutent notre émission, c'est fou! Oui! Ça fait on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, mais pas même endroit. On se retrouve sur Alt Radio. Ouais. Donc vous nous écouterez un peu partout. Il faut c'est nous suivre ça, sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est important, on vous mettra toutes les infos. Tout ce qu'il faut savoir. Et puis nous, on vous souhaite de passer une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui le sont comme nous. Et une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Et on vous dit oui. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Basi Radio de retour dimanche prochain à 18h sur hashtag.